Une situation qui risque de ne pas beaucoup évoluer, car les 10 MW produits à Soroti seront revendus à la Compagnie nationale d'électricité et redistribués via ses réseaux. Une amélioration donc pour les personnes connectées qui subissent les coupures de courant incessantes. Mais les personnes qui ne sont pas reliées au réseau électrique, car trop isolées ou parce que le coût de l'installation est trop élevé, elles ne verront pas leur quotidien s'améliorer. Il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.